Ok, allez, on va faire une chanson contre le Front National. De l'actu politique à parler sur le canapé, je suis animé de voter pour une place à l'Élysée, de travailler exonéré. Je pourrais faire la même chose, mais je suis trop bien installé. Sais-tu au moins combien ils sont payés? Moi ça me fout en l'air, j'ai envie de gueuler. Soyons plus énergiques, fermons la gueule aux racistes, ne restons pas statiques, nous on nique les fascistes. Je ne peux plus rien subir de l'actu politique. Allongé sur le canapé, je suis animé de répliques. J'entends parler d'alliance et de partir ratés. Je commence à rigoler devant l'écran de télé. Mais quand l'alliance s'ajoute au parti du FN, là oui tout me dégoûte et fait monter ma haine. Soyons plus énergiques, fermons la gueule aux racistes, ne restons pas statiques, nous on dit que les fascistes. Est-ce que vous avez la pêche? Je ne veux plus rien suivre de l'actu politique. Assez seul canapé, je suis animé de répliques. La guerre entre deux parties n'est qu'une histoire d'argent. Moi, je suis bien entouré. À côté de moi, y'a des gens qui ne peuvent pas voir. Le souci de plier par deux, de faire de peur de devenir comme eux. Soyons plus énergiques, fermons la gueule aux racistes. Ne restons pas statiques, nous on n'y fait pas juste. C'est vers de l'actu politique que vous sur le canapé. Je suis animé de réplique. Le CD contaminé, il y a trop de gueules. Moi je suis bien installé à côté de moi. Ma meuf la ville de Ronde n'a rien à voir avec leurs hommes. Mais ce que je suis dit, fermons la gueule aux racistes. Ne restons pas statiques, nous on dit que pas juste. Jornès vous remercie, vous dit à plus tard. Ciao, bye bye, bonne soirée. On vous embrasse, bisous, ciao. Merci, ciao! Merci!